Coldplay solo, guitare. sorry and test. Thank you. FC, ça c'est bon, GM, FC. Comment on fait pour supprimer ça? Je sais pas comment on fait, alors attends. Comment on fait pour adjust code analyse? Merde. Putain, j'arrive plus à supprimer ça. Auto. Remove. G, M, attends, F, G, G, G, M, ça, G, M, F, G, je suis perdu, non, non, allez,